Tu es perdu. Donne le ton partout où tu es. Je te suis, je t'entoure et tu cries. Je suis le loup. Sentiment d'être grand, vous êtes à moi, croyez-moi, personne ne s'en sortira.